can't stop me. It's a war, back, my homie. Ok. Mon cœur est absent, donc je parle avec le stun. Je rêve de meufs, de sun et de skunk. Nostalgie, je revois plus que le vêt avec le stun. Les amis font rare, les traits sonnent à ta porte. Je veux ta perte, donc je nique le score. Qui t'a dit que je me plains, négro, c'est juste ma rime. Juste ma vie à faire de la merde, des filles me sucent la bite. Ma phrase est mal, la première latin loin. Postiche à Saint-Ouen, je gratte un 16 dans le coin. Je cours après des sommes pour être au sommet. Je suis juste au sommaire. Quand je finirai, il y aura son père. Je dis qu'à Vlarmouille, je vois qu'il rafle, moi je me détends. Où ce qui tasse, je leur dis wesh, qu'est-ce qui se passe, laisse. C'est ma rime qui fâche, sous les nerfs, comme un cerf, pas culinaire, comme la gerbe. Je gère, même si des frères me la mettent. On sort peu d'épaule, beaucoup trop quand j'ai pas de copains d'école. Mes potes qui cravent dans les halls, triste et mon épaule. Alors je place mes rimes, toujours à fond, laisse-moi en placer une. Toujours dans le son, toujours à fond, même si j'y laisse des rides. Les yeux ouverts, et puis l'esprit fermé. Et si je m'écoute jamais, je doute de faire mieux. Alors je place mes rimes, toujours à fond, laisse-moi en placer une. Toujours dans le son, toujours à fond, même si j'y laisse des rides. Je suis mon pire ennemi, mais la mine, la tristesse. Je prends un verre puis deux et j'écris test. Je voulais parler de moi, de cette époque pleine de pensées noires. Quand j'écris, quand je m'ennuie, quand je suis censé boire. Et je me connais par cœur et mon penchant pour la boisson. Je cherche la lumière, direction la boisson ballant. Je prends de l'âge, je meurs d'envie de prendre le large. J'avance à reculons, peut-être que je traîne la jambe. Avec une plume, moi j'écris en un battement d'aile. Je vois ma femme, je vois ma vie, ouais mais pas sans elle. Et pour mes potes, j'ai pas que les ailes, non j'ai une tête brûlée. Mes idées sombres dans la lumière, je me dis vont peut-être briller. Après un verre ou deux, je deviens un moulin à parole. Et j'en place une pour ma femme, ma fille et ma daronne. Je parle tout seul, tu sais, et quand ça cogite sec. Et je fais du son et je vous emmerde et puis je m'alcoolise seul. Je vois petit et je rappe comme un grand. Et je me dis que la tristesse, tu sais, me va comme un gant. Alors je place mes rimes, toujours à fond, laisse-moi en placer une. Toujours dans le son, toujours à fond, même si j'y laisse des rides. Les yeux ouverts et puis l'esprit fermé. Et si je m'écoute jamais, je doute de faire mieux. Alors je place mes rimes, toujours à fond, laisse-moi en placer une. Toujours dans le son, toujours à fond, même si j'y laisse des rides. Je suis mon pire ennemi, mais la mine, la tristesse. Je bois un verre, puis deux, et j'écris texte. Insolent, je rêve de braquer la française des jeux. Ils veulent que je baisse les yeux, mais je les baisse les gueux. Quitte à finir mal, je prendrai les armes, tir mortel, on est hall, on est hall. Je veux mon règne, ma sort sur le trône, nique la falde et le trône, je suis de la frappe, man, roulé comme un cône. Tour aux sources, j'appelle Pinax en balle. Long comme Ambroise, je cale un pilax en bas. Je m'en bats les couilles qui caillent, je serai droit comme une quille. Ils veulent que je tombe négro, alors je quitte la ville avant de canner. Mes frères veulent voir la mec, moi je veux pas la mettre. Je finirai en enfer car je suis pas de l'affaire. Entre l'amour et les potes, ben je coupe la poire en deux. Les épreuves et les doutes font que c'est dur de croire en Dieu. Je me souviens plus de la veille, je me dis ça chaque matin. J'ai mal au crâne et à part ça, ben plus rien. Matin. Tous les matins au réveil, vous vous êtes promis que c'était fini, que la cuite de la veille serait la dernière. Et vous avez tenu le coup. Jusqu'à midi, 15 heures, ou même parfois jusqu'au soir certains jours. Et vous étiez tellement content de vous que vous avez récompensé vos efforts avec un verre. Encore une fois, vous vous êtes juré que ce verre serait le dernier. C'est une maladie.